Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea, servi en 8 saveurs décaféinées, auquel vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. On va en parler avec notre ami Pascal Masson. Samedi matin, très surpris d'apprendre qu'à quoi, moins d'une semaine du camp d'entraînement, de l'ouverture de la saison, pardon, Mike Sherman a été congédié. On va se dire les vraies choses. C'est pas même que ça a sorti, mais c'est ça qui est arrivé. On en parle avec Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, t'es d'accord avec moi? On va se dire les vraies choses. C'est pas même que ça a sorti, mais c'est ça qui est arrivé pareil. Ah ben, tu sais, je veux dire, c'est pas de même sa sortie. Oui, ça peut être un congédiement, mais je pense que le bonhomme en soi, là, Sherman, a vraiment réalisé que, tu sais, à un moment donné, t'es pas foutu en plein, là. Tu le vois bien que t'as aucune... Tu sais, puis quelqu'un qui a coaché à un haut niveau comme lui l'a fait, là, et il est en mesure, là, d'évaluer ses performances, puis que c'est ultra médiocre. Donc... ça peut être une combinaison des deux, mais c'est définitivement un retrait volontaire. Là. Est-ce qu'il s'est assis sur sa réputation des Packers, qui était l'entraîneur des Packers de Green Bay, puis il a dit « Moi, je vais vous montrer au Canada, comme ça arrive dans bien des cas, là, je vais vous montrer au Canada comment ça marche, le football. » Ben, moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y avait aucune connaissance. Ben non. Il n'y avait aucune idée dans quoi il s'était embarqué. Lui, il pensait s'en être coaché une gang de gars de Ligue B, là, tu sais. Puis ouais. On allait jouer au football, puis on verra bien. Tu sais, il avait aucune idée, il a fait aucune analyse, il a fait aucune recherche. Il est même arrivé dès son début, là, il est arrivé en retard, il était pas là au camp des recrues parce qu'il coachait dans une autre ligue. Cette année, il s'est fait opérer. Tu vas me dire que c'est puis les gens ont raison, mais d'un autre côté, ça empêche-tu d'être là au camp des recrues? Ben, cette année, c'était une autre raison. Je parlais de sa première année. Moi, tu sais, cette année, tu sais, je veux dire, à ta deuxième année, tu sais, qu'il t'arrive un événement, qui t'empêche de participer au camp des recrues, ça peut arriver, tu sais, pour la santé, la famille, etc. Sauf que, tu sais, t'es pas arrivé près l'année passée, puis il était pas plus près cette année, ce qui faisait que, t'sais, il y avait un ajustement à la Ligue canadienne super ralenti. Il était pas en mesure de s'adapter par rapport à son coaching. Et de plus, ben, t'sais, c'est un entraîneur en fin de carrière. On n'a peut-être pas l'énergie non plus. Puis l'énergie de mettre du temps, puis de vouloir de se challenger, etc. Moi, je pense qu'il arrivait plus. T'sais, admettons, pour reprendre les propos que tu dis, de dire que ça assis sur sa réputation. Moi, je pense qu'il arrivait plus en se disant: moi, j'ai vu neiger, je vais amener mon expérience dans une ligue qui probablement n'a jamais eu un coach de ma trempe. Tu sais, dans la tête de quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, là, la Ligue canadienne, puis là, il se rend compte que finalement, je ne suis pas le premier à passer ici. Il y en a des grands qui ont passé, puis moi, je ne connais même pas la ligue. Fait que c'est un peu tout ça, moi, que je pense qui est arrivé, là. Ben, c'est ça, tu sais, puis à quelque part, moi je pense que, en tout cas, dis-moi, Kerry Jones, moi, je suis content parce que, quelque part, c'est un gars qui connaît la Ligue canadienne, qui est un très bon carrière, puis quelqu'un me faisait penser, dans l'histoire de la Ligue canadienne, il y a peut-être Young Matt Dodigan qui a échoué. Matt Dodigan, je pense qu'il était DG, il n'était pas entraîneur-chef, mais tu regardes. Entraîneur-chef aussi. Ouais, Dave Dickinson a bien réussi. Danny, il y en a plusieurs qui ont bien réussi. Je pense que Kerry Jones peut faire un bon travail. Tu es d'accord avec moi? Avec Jason Moss. Jason Moss aussi, oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Tu en as plein d'exemples comme ça d'anciennes carrières qui ont bien performé. Bon, moi, ma crainte, c'est que les gars que tu as nommés ont également bien performé comme coordinateur offensif avant même de devenir des entraîneurs-chefs. Kerry Jones, moi, j'ai eu l'opportunité, la chance de jouer avec Kerry Jones dans mes jeunes années. Donc, je sais très bien que c'est une bonne tête de foot, un excellent carrière lorsqu'il a joué. Je trouvais, par contre, qu'offensivement, je ne voyais pas tout ça se traduire comme coordinateur offensif Bon, il y a la question aussi du personnel. Tu sais, il n'y a pas nécessairement les armes les plus aiguisées pour aller à la guerre, là. Ouais. Mais c'est un bon leader. Puis moi, ce qui me permet de croire, justement, que ça peut être un bon entraîneur-chef, malgré le fait qu'au niveau compteur offensif, m'a personnellement pas nécessairement démontré là, toute... Il peut pas être pire que Mike Sherman. Ça peut pas être pire. Ben, c'est parce que moi, ce que je vois de lui, c'est que c'est un bon leader. C'était un bon leader comme carrière, comme joueur de football. Mm-hmm. C'est encore, je crois, une fois, un gars qui va être rassembleur, qui va être en mesure, justement, de reprendre une équipe qui était complètement divisée par un entraîneur-chef qui n'est pas là pantoute. Donc ça, c'est effectivement plate à dire, mais ça peut pas être pire. Non, non, ça peut pas être pire. Ça peut... André Bolduc. Ce serait pas le temps de... Ce gars-là a fait ses marques. Là, Kerry Jones va faire les deux fonctions. J'ai l'impression que là, il a été nommé par intérim. J'ai l'impression qu'on va voir comment que ça va aller. S'il montre des signes intéressants, je pense qu'il pourrait obtenir le poste. Mais un gars comme André Bolduc, ce serait pas le temps, là. Puis ça, je t'en ai parlé. Je pense que c'est pas la première fois que je t'en parle, là. Coordonnateur à l'attaque. Ce gars-là a fait ses classes. Les entraîneurs l'ont toujours gardé. Moi, je pense qu'André mériterait sa chance comme coordonnateur à l'attaque. Mais tu sais, moi, je connais quand même très bien André, là, ouais. Personnellement. Moi, je suis convaincu qu'André, c'est un gars qui a un bon leadership également, qui a une belle fiche pour être un entraîneur-chef. Son expérience est beaucoup plus au niveau de la gestion, je pense, des équipes. Et là, ben, avant de devenir entraîneur-chef, souvent, ben, il faut justement que tu sois coordonnateur. C'est souvent le chemin dessiné, pour tous les entraîneurs-chefs. Coordonnateur, soit que ce soit des unités spéciales, que ce soit défensif ou offensif. Bon, André, il n'y a pas cette marque-là à sa fiche, là, pour l'instant, de coordonnateur au niveau professionnel. Oui. Est-ce qu'il y a un intérêt, André, à être coordonnateur? Moi, je pense que j'en avais parlé l'année passée, Pascal. Je pense que tu n'étais pas là dans cette. J'avais posé la question, puis il n'y avait pas. En onde, il ne pouvait pas. Nécessairement commenter ça. Il ne peut pas nécessairement commenter, sauf que tu voyais dans son dans la manière qu'il parlait, ça l'intéresserait un jour. Puis moi, ce que je pense de chez André, c'est que ce qui l'intéresse vraiment, c'est d'être entraîneur-chef. Oui, mais tu commences par être... Là, il y a comme l'étape qui manque entre être un entraîneur CFL de position puis l'entraîneur-chef, ça prend la position de coordonnateur. Et là, ben c'est ça. Ça serait à savoir si lui... Il y a cet intérêt-là. J'ai l'impression qu'il va falloir probablement attendre jusqu'à la fin de saison, là, mis à part qu'il y a un nouveau propriétaire, que l'entraîneur, que Kerry Jones soit tassé de côté, qu'il y a des portes qui ouvrent demain, mais il va peut-être falloir attendre à la fin de saison pour questionner André sur son intérêt à être justement un coordonnateur offensif. Ça pourrait être un coordonnateur d'une des spéciales aussi. Tu sais, je veux dire... Mais... Ça passe pas nécessairement par être compteur offensif. Sauf que c'est sûr que ça serait vraiment un plus pour lui s'il pouvait avoir cette opportunité-là. Mais par contre, je pense que comme coordonnateur d'attaque, il rend du lourd. Tu sais, il peut pas rester tout le temps entraîneur des receveurs de passe. Pascal, on va faire une pause. Je veux t'entendre sur d'autres sujets sur la vente des Alouettes. Je sais que tu ne l'as pas entendu, mais je vais te raconter puis je vais te faire commenter ce que... Les entrevues de Vincent Gouzeau et Tony Mathiosa la semaine dernière sur les ondes de TSN Radio et également du 98.5. Vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Pascal Masson sur les ondes de danradiosport.com. Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea servi en 8 saveurs décaféinées auxquelles vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Pour vos fringales de juin, pensez restaurant Midas Saint-Félicien. On est de retour à danradiosport.com avec Pascal Masson qui commente l'actualité chez les Alouettes. Pascal, la semaine, on sait qu'on est, l'équipe est toujours pas vendue. Et la semaine passée, sur les ondes des stations montréalaises du 98.5 et également de TSN Radio 690, il y a eu une dispute entre Vincent Gouzeau, qui a voulu acheter les Alouettes, et aussi Danny Mathiosa. Écoute, je sais pas qui dit vrai, là, mais à la lumière des conversations des deux, ça devenait un peu ridicule. Puis je me dis, une chance que Vincent Gouzeau n'a pas acheté les Alouettes, ça aurait été un one-man show. Puis écoute, il a dit à Danny Matsuyosha, il a dit, je te donne 6 joueurs, je te laisse le choix des 6 joueurs, et le reste, c'est moi qui vais décider. Puis il a dit que le GM n'était pas si important, et que c'était l'entraîneur-chef qui était important. Puis lui, il voulait faire un team avec Glenn Constantin puis Danny Matsuyosha. Ça faisait... Tu sais, je me dis, ouf, si ce gars-là est rendu là, je suis pas sûr que c'est l'idéal. Écoute, c'est sûr que là, moi, comme je te disais, là, j'ai pas écouté les entrevues en direct qui ont eu lieu dans les différentes radios. J'ai lu les articles, là, c'est sûr. Je me suis mis un peu au courant de ce qui s'était dit. Un peu comme je te disais la semaine passée, j'ai comme décroché, moi, okay, du dossier de la vente des Alouettes parce que je trouvais que ça tenait tellement chaotique, c'était pratiquement inintéressant, là. Mais effectivement, que cette sortie-là, elle était encore une fois des plus farfelues par rapport à, bon, d'un côté comme de l'autre, là, je trouvais ça spécial là, de voir comment ça s'était passé. On a d'un côté un homme d'affaires là, très réputé qui a démontré qu'il était en mesure de monter des business, mais une équipe de sport, ben c'est pas nécessairement la même façon. De l'autre côté, on a un ancien directeur général entraîneur-chef qui, selon ce que je peux comprendre, aimerait vraiment revenir au niveau de la Ligue canadienne, particulièrement avec les Alouettes. Donc, c'est sûr que chacun tire de son côté de la couverte. Mais le résumé de tout ça, c'est que je pense que c'est Danny Matsuyosha qui a le gros bout avec la Ligue canadienne parce que le commissionnaire a bien l'air de vouloir que ce soit lui, là, la personne impliquée dans le club, avec les nouveaux propriétaires. Donc, c'est clairement pas M. Goudzot qui a gagné. Non, Et Glenn Constantin, j'ai eu une discussion avec un de mes amis, Pascal, c'est que t'en penses. Je suis pas convaincu, c'est pas automatique que ce sera un success story dans les Canadiens. Le gars a beaucoup beau être un entraîneur-chef réputé. Je veux rien y enlever, mais c'est... Puis Danny Matsuyosha disait ça. Il dit, diriger Anthony Calvillo puis diriger Hugo Richard, c'est pas la même mentalité. Et regarde dans la NCAA, puis tu me disais, oui, mais faut pas comparer les deux, mais regarde dans les Lou Holtz, Steve Spurrier, je pense que Paterno a une chance... Il y en a plus. Lui qui est à Miami, là, qui est à Alabama, Nick Saban a tenté sa chance à Miami. Ils se sont tous plantés, ou la plupart. Il y a juste Pete Carroll et Jim Harbaugh qui ont du succès. Et c'est des gens qui connaissaient le vestiaire de la NFL. Ils sont allés dans l'NCAA. C'est pas gage de succès, là. C'est pas diriger des professionnels et diriger des athlètes universitaires. C'est pas ma affaire, là. Ben, écoute, il y a aucun entraîneur qui est nouveau dans une ligue, qui est gage de succès, là. Je veux dire qu'une garantie, on les a tous vus passer, là. Tu en nommes quelques-uns gros noms, là, mais c'est sûr que c'est pas une garantie. Cependant, il y en a qui ont réussi également. Ouais. Moi, connaissant Glenn Constantin, connaissant ses capacités, son professionnalisme, son bagage d'expérience, moi, je pense que ça mériterait sa chance. Ça serait quelqu'un qui serait en mesure de connaître du succès dans la Ligue canadienne. Je suis quand même convaincu parce que la plus grande force de Glenn Constantin, c'est de savoir bien s'entourer. Okay. Donc, à ce moment-là, quand un entraîneur a une bonne équipe, un entraîneur-chef a une bonne équipe avec lui, ben tout ce qu'il a à faire, c'est la gestion de son équipe d'entraîneur, puis la gestion de ses joueurs et non apprendre à connaître la ligue et non apprendre à connaître le football, les subtilités. C'est sûr qu'il partirait avec un avance sur les Mark Sherman et ainsi de suite qui connaissent rien dans les Canadiennes, qui connaissent pas les subtilités. Lui, il connaît. Par contre, il connaît tout ça, puis il connaît aussi la planification d'un plan de pratique. Il serait en mesure de challenger tous ses entraîneurs par rapport à leur préparation, à dire, hey, tu rentres seulement avec 2 jeux au sol pour cette game-là. Vraiment, eux autres, ils jouent une 40, une 50, un front, ils bougent. C'est quoi tes réponses à ça? C'est quoi tes réponses à ça? C'est quoi tes réponses à ça? Puis ça, ben moi, je pense que ça l'a manqué du côté des Alouettes, où ce qu'on a eu un entraîneur de la NFL qui s'est entouré d'entraîneurs ici et là, d'autres entraîneurs qui étaient déjà en place, qui, on lui a dit, tu devrais garder. Puis là, après ça... juste à la ligne à l'attaque. On l'a vu l'an passé, puis cette année, on est tôt dans la saison, mais l'an passé, on a clairement vu qu'à la ligne à l'attaque, elle arrivait et qu'il n'y avait pas de réponse pour plusieurs problématiques que les autres défensives leur apportaient. Et ça, ben, c'est un manque d'adaptation. Ben oui, tu sais, je veux dire, puis le coach à l'offensive, le coach offensif, là, soit le coordinateur, mais le coach de ligne à l'attaque, là, moi, je peux te garantir que si c'est Glenn Constantin, l'entraîneur-chef, là, il est assis dans son bureau avec lui le lendemain du match, puis il dit, c'était quoi ta réponse à ce front-là? Puis c'était quoi ta réponse à ce blitz-là? Puis il n'est pas en mesure de répondre, ben, on n'a pas le bon coach, tu sais. Donc, pour ça, c'est pour des raisons comme ça que moi, je pense que Glenn Constantin pourrait être un candidat plus que, non, plus que bon. Cependant, c'est l'autre côté. Moi, je suis pas sûr que Glenn Constantin serait nécessairement intéressé à aller coacher dans la Ligue canadienne, mais ça, il faudrait lui demander. Oui, effectivement. Non, mais ce que je veux dire, Pascal, tu sais, mais dernière question, on va te laisser là-dessus. Le step d'un entraîneur-chef de du football universitaire à passer à la Ligue canadienne, est-ce qu'il est aussi gros que la NCAA à la NFL? Tu comprends ma question? Oui, c'est une très bonne question. Parce que la NCAA, c'est très gros aussi. Là. C'est quasiment aussi gros que... Pas aussi gros, là, mais c'est... Écoute, t'as 90 000, 100 000 personnes, t'as de la pression aussi. Tu sais, je sais pas. C'est parce que je pense que le step universitaire américain versus NFL, bon, là, tu me poses ça, je te dirais, j'ai l'impression qu'il est plus gros que le step... universitaire canadienne et CFL, là, compte tenu de l'amplification des salaires, des salaires des joueurs, des garanties de contrat, un carrière qui a déjà 125 millions de garanties, parce que maintenant, c'est une nouvelle tendance dans la NFL où on donne des montants garantis. La pression est bien plus élevée, selon moi, au niveau américain pour un entraîneur-chef. Puis, tu as moins de marge de manœuvre avec ton équipe que dans la Ligue canadienne. Bon, là, je me suis pas assis à réfléchir ça pendant des heures. Là. Je pourrais arriver avec de quoi de beaucoup plus construit. Là. Mais, ça serait mon feeling que c'est un plus gros step au niveau américain qu'au niveau canadien. OK. Pascal, on s'en reparle peut-être vendredi pour l'ouverture de la saison, dès que l'actualité va le demander. Excellent, Dan. Ton ami Pascal Masson.